le monde. Explose. Je ne fais que passer dans ce monde dépassé, dépassé par le temps, fait de chair et de sang. S'arrêter, se poser un moment, un instant, faudra bien qu'un jour le monde explose. Le monde explose. Le monde explose. Le monde explose. Regardez la lumière, ne plus fermer les yeux sur ce monde cruel, spirituel à l'appel. Moi je lance un appel, de prendre le temps d'écouter le vent. Mais faudra bien qu'un jour, le monde explose. Le monde explose. Le monde explose, le monde explose. Le monde explose. Le monde explose, le monde explose. Le monde explose.